Et bonjour, bonjour, bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez. Bienvenue pour cette émission spéciale, tout à fait spéciale, un générique tout à fait particulier, signé Pascal Comelade de son bel album psychotique Music Hall, qui me semblait tout à fait bienvenu pour introduire cette émission spéciale, ce titre intitulé A Figueres, parce qu'on va être du côté de l'Espagne pour cette émission spéciale, alors que Pascal Comelade est un artiste qui est un artiste catalan qui nous vient de Barcelone. Ça me semblait bienvenu pour introduire ce programme qui va nous amener vers l'Espagne. Et oui, on va vous présenter tout cela. C'est une heure particulière dans le cadre d'un projet particulier, un échange de jeunes. Sport, culture, inclusion en sont les mots clés. C'est une semaine durant cette période de vacances dites de Pâques, vacances scolaires, qui se prête tout à fait à cet échange international en partenariat avec différentes structures dont on va vous parler d'ici un instant, avec également le département de la Loire. Une émission portant sur la mobilité internationale, on peut dire ça comme cela. Juste avant de retrouver nos invités, ils sont très très nombreux autour de la table, dans cette salle, il y a une vingtaine de personnes. Voilà, on va retrouver trois groupes qui vont ici en alternance se retrouver au plateau et vous faire part de leur semaine vécue ici à Saint-Étienne. Simplement en ouverture, on va laisser Pascal Comelade de côté et retrouver nos invités. Alors justement, commençons par le commencement et c'est Audrey et Marielle qu'on retrouve en premier lieu. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va être dur de faire un tour de table, hein, là, collectif, mais on va vous laisser dans un premier temps la parole pour nous présenter ce projet de mobilité internationale. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que Dio fait là cet après-midi de ce jeudi 16 avril? Eh ben, on a fait appel à Radio Dio pour pouvoir valoriser et rendre compte du projet qu'on mène à Saint-Étienne et dans ses environs depuis ce lundi 12 avril. Et du coup, c'est un projet d'échange de jeunes du dispositif Erasmus+, Jeunesse et Sport, qui est porté par le comité UFCV de la Loire, dans lequel je travaille, où je suis coordinatrice, avec ma collègue Marielle, ici présente, qui représente le pôle ressources handicap de la Loire. Et du coup, ce projet rassemble pendant 5 jours 3 structures. 2 structures ligériennes, l'espace social Valbenoît Centre 2 qui nous accueille aujourd'hui pour l'émission et l'espace jeunesse de la Bulle qui se trouve à Saint-Galmier, ainsi que nos partenaires espagnols qui font partie de l'association Fondación Somos Brian qui se trouve à Palencia. Donc c'est un échange Palencia-Saint-Étienne, Espagne-France. Exactement, et plus précisément en fait c'est le département de la Loire et la province de Palencia, qui sont 2 départements et du coup provinces, qui sont jumelés. Et c'est une première mondiale que, non pas des villes se jumellent, mais des provinces ou départements. Oui, c'est chose assez classique et courant, hein, effectivement. Est-ce que c'est la première fois, en revanche, que ces jeunes de Palencia, ou des jeunes de Palencia, viennent ici en échange avec vos structures sur du projet de, à la fois d'échange de culture, d'inclusion, de sport et autres activités? Et effectivement, c'est la première fois où on accueille un groupe de jeunes. On avait déjà accueilli des professionnels de la structure de Brian. Pardon, pour mettre en place justement tout ça et pouvoir arriver à cette semaine qui n'est pas née d'hier. Ça fait plus ou moins un an qu'on travaille sur cet accueil-là. Très bien. Donc cet échange a duré toute cette semaine. C'était du 13 jusqu'à demain, donc au 17. Effectivement. Attention, là, on aura la diffusion en léger différé. Mais c'était donc du 13 au 17 pour cet échange. Comment s'est passé pratiquement, je dirais, l'échange, c'est-à-dire combien de jeunes accueillis ici, dans quelles conditions, où ça, comment vous avez organisé finalement cette semaine spéciale? Oui, alors du coup, il y a 6 personnes de la délégation espagnole qui se sont déplacées et qui ont été accueillies par 5 jeunes du centre social de Valbenoît avec leurs encadrants et encadrantes. Et ainsi que 4 jeunes, de la bulle de Saint-Galmier, accompagnés également de leur de l'encadrant. Et nous, côté comité UFCV, on était une petite délégation à accompagner le groupe sur tout le séjour. Donc, comme disait Marielle, ma collègue, Astrid qui est en service civique avec nous, et Laurie qui était aussi parfois avec nous, et notamment Diana qui est volontaire en service volontaire européen au comité UFCV de la Loire et qui a été d'une grande aide parce qu'elle nous a permis de faire la traduction, parce que nous avons décidé de ne pas passer par l'anglais mais de passer que par le français et l'espagnol sur cette semaine-là. On remercie Diana qui va être un petit peu le fil rouge hein, finalement de cette émission. Elle va être présente pour les trois plateaux, en tout cas les trois groupes qui vont se retrouver en alternance à ce plateau. Merci en tout cas Diana. Et excuse d'avance là pour déjà la traduction qui n'est pas effectuée pour les Espagnols qui sont autour ici là, du plateau, qui nous écoutent mais qui ne comprennent finalement peut-être encore pas tout de ce qui se prédit, en tout cas en présentation là, en avant-propos, mais même si cela a dû être fait, bien sûr, j'imagine, avant le projet, bien sûr. Début de la semaine, etc. Donc l'idée étant, si j'ai bien saisi aussi, de Marielle, lever les freins à la mobilité européenne pour des jeunes en situation de handicap. Donc c'est le cas pour certaines en tout cas de ces personnes présentes aujourd'hui. Oui, l'idée donc c'est que moi je travaille avec Audrey au comité UFCV et le comité UFCV porte avec une autre fédération qui sont les Francas de la Loire, ce qu'on appelle le pôle ressources accueil de loisirs et handicap qui vise à favoriser l'accès aux accueils de loisirs pour tous les jeunes en situation de handicap du département de la Loire. L'idée étant, c'est de se dire que les échanges de jeunes sur les espaces jeunesse, les clubs ados, se font assez facilement, assez régulièrement. Mais parfois, les jeunes en situation de handicap sont parfois exclus de ces dispositifs parce que des freins, des fois, de se dire que c'est plus compliqué, que ça va être difficile, que des fois, il faut convaincre aussi les familles, des fois, voilà. Et là, du coup, l'idée, c'était d'expérimenter pour vous justement pouvoir se dire c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Et déjà en 4 jours, on a un bel exemple d'une belle osmose qui s'est faite devant nous. Et voilà, ça nous tend à espérer que ce n'est que le démarrage du développement de plein de projets de ce type. Et c'est aussi ce dont on va tenter de rendre compte finalement dans cette émission aussi, de témoigner et bien justement cet échange qui a pu se dérouler et qui va se faire ici même d'ailleurs au plateau et au micro. Alors plusieurs activités finalement ont eu lieu cette semaine, tout un programme. Il y a ce temps radio là qu'on improvise finalement quelque peu en ce jeudi 16 avril après-midi, mais vous avez aussi visité à la fois des sites un peu emblématiques on va dire de la région finalement, voire de la ville, et puis d'autres activités qui ont été menées finalement tout au long de cette semaine, qui vont aussi en quelques mots parfois là être présentés aussi durant ce plateau, c'est ça ? Exact. Très bien. Audrey parlait de jumelage tout à l'heure, et c'est un partenariat avec le département de la Loire. Alors on va peut-être en profiter pour écouter un petit discours extrait très rapidement. De monsieur Sylvain Dardouillet. Voilà. Qui est conseiller délégué en charge des maisons de services publics et de la propriété culturelle et aide au patrimoine. Et que vous avez rencontré pas plus tard qu'hier soir. On en écoute un extrait. Moi je suis heureux de vous accueillir ici. Alors pourquoi? Parce que ce jumelage avec Palencia, parce que je suis au département, j'ai en charge le patrimoine culturel, et je suis aussi vice-président de la Fédération européenne des sites clunisiens. Et vous avez à côté de Palencia un site qui est magnifique, Carrión de los Condes, qui est un site clunisien. Et l'ancien directeur de ce site est vice-président aussi, lui, de cette fédération européenne. Et nous travaillons encore très prochainement, nous allons travailler ensemble et nous allons avoir notre assemblée générale en Italie. Avec la fédération, l'idée c'était de retrouver l'esprit clunisienne, c'est-à-dire l'esprit qui rassemble les pays. Pourquoi ? Parce que Cluny, qui est un monument religieux à l'époque, hein, ça s'est arrêté à la Révolution française. Cluny n'existe plus aujourd'hui. Hein. Voilà, alors un petit extrait hein, de cette intervention, il y a de cette présentation et jumelage et partenariat avec le département de la Loire, qui défend aussi, bien sûr, ses sites patrimoniaux et emblématiques, en termes de bâti, notamment. Alors, un site, justement, a priori en Espagne, qui semble aussi rejoindre le site... Et effectivement, en fait, la province de Palencia a été jumelée avec le département de la Loire, notamment par rapport à ce rapprochement avec les sites clunisiens, parce qu'il y a pas mal de sites clunisiens dans la province de Palencia et aux alentours. Mmh. Il y en a aussi quelques sites dans la Loire, dont celui qu'on a visité mercredi, le prieuré de Pommiers. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier le département de la Loire qui nous a donné un accès gratuit à cette visite guidée mercredi matin. D'accord, donc un site emblématique de la Loire, voilà, parmi ces différentes activités proposées cette semaine, juste pour situer géographiquement quand même, Palencia, ça se situe où ? Est-ce que c'est Diana qui va nous présenter Palencia? C'est une province, mais c'est aussi une ville, c'est ça? Oui, Palencia, c'est une ville dans la province de Palencia qui est dans la comunidad autonome de Castilla y León. Castilla y León, c'est une région? Oui. C'est la région? Oui. Et on est situé géographiquement nord... Nord de Madrid. Nord de Madrid. Oui. Ouais, entre Salamanque et Burgos. Oui. En gros, hein, et au-dessus de Madrid. Vous allez vous rendre en Espagne bientôt, peut-être pour les Français, justement? On s'y est déjà rendu. Ah, ça y est. On était en janvier, mais avec beaucoup de professionnels, justement, pour rencontrer la structure qui travaille sur place. Et on verra pour la suite, ça serait avec plaisir qu'on retournerait en Espagne. C'est une invitation. D'accord, pardon, mais c'était juste... Avec les jeunes. C'était un déplacement professionnel, du coup, sans les jeunes. Oui. Ouais, voilà. Oui, oui, oui, oui. Donc oui, les jeunes doivent attendre impatiemment de pouvoir s'y rendre aussi, pour le match retour, donc... Forcément. L'espère. Merci pour la présentation de ce projet, Audrey et Marielle. On va continuer finalement encore ce temps de présentation et de commencer par le commencement, justement avec ces structures que vous avez déjà citées ou précitées et que vous allez nous présenter, puisque c'est un projet donc et qui rassemble des jeunes issus de trois structures distinctes. Alors je vais vous laisser le soin de les présenter. On va peut-être commencer justement ici. Oui, bonjour. Bonjour, donc moi je m'appelle Charline et je fais partie de la Bulle. Donc je vais présenter un peu la structure. Donc c'est un espace intergénérationnel qui se situe à Saint-Galmier et dont la principale activité c'est l'accueil de jeunes, même si elle est déclinée en plusieurs autres facettes. Donc le programme d'activité qui est pendant les vacances, donc avec des activités tous les jours et l'accueil des jeunes. Il y a l'accueil libre aussi, donc ça c'est tous les après-midi pendant les vacances et certains jours en semaine pendant les périodes scolaires, les jeunes ils peuvent se rendre à la Bulle et y rester complètement gratuitement. Quand c'est les vacances, ils ne participent pas aux activités, mais ils peuvent se rendre à la Bulle et juste rester entre amis ou avec les animateurs. Il y a aussi l'accompagnement dans les projets, comme par exemple aujourd'hui. Donc ça peut être des voyages européens, des voyages au ski, l'organisation d'événements locaux. En fait, dès qu'on a une petite idée, on peut y aller et ils peuvent nous aider à soutenir nos projets. Ils organisent aussi des ateliers langue pour apprendre, de l'aide aux devoirs et des ateliers radio pour un peu s'organiser dans tout ce qu'on veut. Et c'est aussi une structure d'information jeunesse, donc de l'accompagnement aux jeunes qui ont des questions. Donc ça peut être sur tous les domaines, donc on peut aller voir si on n'arrive pas à faire un CV ou pour quelle école choisir, quel logement, vraiment dans toutes les questions du quotidien et tous les domaines. Et ils font aussi des interventions dans les collèges et lycées, pareil sur plein de domaines, donc ça peut être la sexualité, les inégalités, on part un peu de tout. Et il y a également, pour le côté intergénérationnel, l'accueil des seniors, donc c'est l'organisation Café Baldo. Donc ils viennent boire un café et ensuite ils sont suivis d'un atelier organisé par nos animateurs et ça peut être faire une belote ou des activités plus modernes. Et pendant les vacances, on organise souvent des activités intergénérationnelles qui rassemblent les jeunes inscrits à la Bulle et les seniors qui viennent pour le Café Baldo. Et après, l'autre spécificité de la Bulle, c'est le Fab Lab. Donc c'est un lieu avec beaucoup de machines qui a pour but de promouvoir le numérique et d'aider les gens à l'utilisation des machines qu'on contient. Donc ça peut être l'imprimante 3D, la découpeuse laser, la graveuse, on a beaucoup de machines différentes. Et puis on va en présenter d'ailleurs un petit peu là, l'essentiel d'une visite que vous avez pu effectuer cette semaine. Bah, merci Charline pour cette présentation de la Bulle qui est donc à Saint-Galmier. C'est ça. Et on va continuer dans la présentation des structures avec dans ce petit tour de table. Alors, on va prendre direction Palencia avec qui est avec nous. Hola, buenas tardes. Soy Jenny, trabajadora de la Fundación San Cebrián. C'est Jenny qui est avec nous. La Fundación Brian, pardon. Y bueno, Brian es una entidad que se dedica a acompañar a las personas y que tiene como principal objetivo la creación de vidas con sentido. Lleva más de 45 años trabajando con personas con discapacidad y bueno, dentro de todos los servicios que tenemos en Brian tenemos, por ejemplo, centros de día que cuentan con servicios de fisioterapia, logopedia, psicología y apoyo escolar. También tenemos centros de apoyo de empleo, que son centros para les decimos prelaborales, que son centros para incluirles en el mundo laboral. También tenemos centros de empleo, que son centros donde se les da ya directamente trabajo, y dentro de estos está el servicio de jardinería, cocina, tenemos también de lavandería, de limpieza, aunque también hay muchos otros servicios. Y también tenemos viviendas tuteladas y asistencia personal. Y bueno, dentro de todo ello, pues Brian lo que busca siempre es hacer comunidad y incluirles mucho en la comunidad. Entonces, siempre buscamos participar en muchas actividades o proyectos, como por ejemplo ahora que estamos trabajando en los proyectos de Erasmus. Y bueno, de hecho con nosotros está un chico que se llama Óscar, que ha participado en varios de estos proyectos. Óscar, que es justo a côté, on va avoir besoin de traducción. Après Yeni, c'est Diana qui va aussi traduire l'essentiel de ce qui vient d'être présenté. Oui, c'est ça. Et Brian est une entité qui accompagne les personnes et l'objectif est de créer des vies pleines de sens. Elle travaille avec des personnes depuis plus de 45 ans et nous proposons de nombreux services. Il y a les centres de jour qui offrent des services d'orthophonie, de physiothérapie et de soutien scolaire, entre autres. Et nous disposons également des centres d'inclusion professionnelle qui aident les personnes à se préparer à intégrer le monde du travail. Et nous avons aussi des centres d'emploi, et parmi tous ces centres, il existe des services de jardinage, de cuisine, de blanchisserie, de nettoyage, ainsi que des services d'assistance personnelle, entre beaucoup d'autres. Aussi, l'un des principaux objectifs de Brian est aussi l'inclusion dans la communauté, par exemple en participant à des projets Erasmus, comme celui que nous réalisons actuellement. D'ailleurs, l'un des participants qui est avec nous, Oscar, peut vous raconter son expérience puisqu'il a déjà participé à plusieurs projets Erasmus. Mais oui, avec plaisir, Oscar, bonjour. Hola. Hola. La parole est à toi. Pues mi experiencia en los Erasmus, la verdad que ha sido bastante buena. He hecho tres. Con este ya, uno en Letonia, que fue el primero que hice, el segundo en Polonia y ahora en Francia. Y lo que me ha gustado de los Erasmus ha sido la gente, que es maravillosa, la comida, que me ha sorprendido mucho, sobre con la de España, y la que más me ha sorprendido fue la de Polonia y Letonia, que es más diferente que la de Mediterránea. Merci Oscar. Diana, por la traducción. Et son expérience lors des précédents Erasmus a été assez amusante. Et il a aimé voyager dans les pays qu'il ne connaissait pas, comme la Lettonie, la Pologne et maintenant la France. Les gens sont merveilleux et la nourriture, il a beaucoup surpris en Pologne et Lettonie. Et car elle est différente de la cuisine méditerranée. La comida, et oui, à manger, oui. Forcément. De beaux échanges donc déjà et de belles expériences. Erasmus plus jeunesse, sport. Voilà ce qui rassemble aussi et ce qui fait l'objet en tout cas là de cet échange. On sort un peu du cadre Erasmus qu'on connaît très universitaire et scolaire quoi finalement. Hein. Là on est dans un cadre autre et davantage loisir quoi finalement. Ce qu'on connaît peut-être peu. Erasmus se prête aussi à ce type d'activité. Jeanne par exemple qui va prendre la parole d'ici un instant. Bonjour. Bonjour. Oui, en effet, oui. Là, on est plutôt sur du loisir, en tout cas en ce qui nous concerne. Je me présente, moi, je suis Jeanne et je suis coordinatrice de l'espace social Val-Benoît de Centre 2, qui nous accueille aujourd'hui. Et donc, l'espace social Val-Benoît de Centre 2 est un centre social agréé par la CAF. Nous sommes un lieu d'animation de territoire et nous proposons des activités de loisirs, entre autres, comme par exemple le périscolaire ou l'accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 10 ans. On fait aussi des animations pour adultes, enfin voilà, de l'animation au sens large. Et notre spécificité depuis presque 30 ans maintenant, depuis 1998, beaucoup d'ici n'étaient pas nés à cette époque-là, on propose un centre de loisirs pour ados en situation de handicap mental, puisqu'on s'est rendu compte que l'adolescence, c'est déjà une période assez compliquée. Et en plus, pour les jeunes qui ont une différence, C'est pas forcément facile de s'intégrer dans un secteur jeune traditionnel. Donc voilà, nous on a créé ce centre en 1998 pour leur permettre d'accéder aux loisirs dans un espace de droit commun, au même titre que tous les autres jeunes. En fait, nous on travaille sur le loisir pour tous. Et l'accès à la culture et aux loisirs à tous. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est le cas finalement pour les trois structures que vous représentez ici, Val-Benoît, Somos-Brienne aussi, et la Bulle à Saint-Galmier. Voilà, c'est ça. Donc ce sont aussi des expériences que vous menez et des collaborations finalement assez régulières. Alors nous, pour nous, c'est une grande première. Étant dans ce même objectif, je dirais. Ouais, pour nous, c'est une grande première quand même cet échange. On était plutôt jusqu'à présent sur du loisir à Saint-Étienne, en France. On participait, on faisait des échanges à travers les étés jeunes proposés par le département. Donc c'était plutôt des échanges entre secteurs jeunes d'une zone rurale et d'une zone urbaine. Mais voilà, l'échange international comme ça, c'est une première. Nous, on a l'habitude d'accueillir nos jeunes les samedis après-midi et les vacances scolaires. Et là, du coup, bah voilà, on a proposé ça grâce à l'UFCV. Très bien, merci pour Val-Benoît. C'était donc la troisième structure présentée ici. Est-ce qu'Enrique voulait dire peut-être un mot? Peut-être qu'Enrique pourrait parler un petit peu de son expérience au sein du centre social. Mais oui, bien sûr. Et puis, ou même de cette semaine, Enrique, si tu veux. Tu peux prendre le micro et puis dire ce que tu veux. Est-ce que tu viens régulièrement au centre social, du coup? Bah oui. Ouais, et y faire quoi? Qu'est-ce que tu y fais? Qu'est-ce que tu aimes y faire, surtout? Bah, d'être avec mes amis. D'être avec les amis. Et ouais, centre social porte bien son nom, là, pour le coup. Et par exemple, cette semaine, t'étais avec tes amis. Et puis des amis que tu as rencontrés. Ouais. Ouais, et qu'est-ce que t'as aimé de cette semaine, là, qui est un peu une première à Saint-Étienne? Manger. Ah ouais, manger, mais forcément, c'est aussi l'essentiel. Mais manger quoi? T'as mangé espagnol un peu? Pas encore ce soir. Ah, vous avez plutôt proposé, vous, la gastronomie française. Donc t'as cuisiné un petit peu, Enrique? Non. Ah non, c'est pas toi qui as fait les petits plats pour les Espagnols. En tout cas, la régalade cette semaine. Ouais. Ouais. Merci Enrique. Et puis on va continuer aller avec deux dernières interventions parce que le temps passe très très vite. Justement, plein de choses proposées cette semaine à manger, comme le disait Enrique. Il y a eu une belle petite semaine de régalade et ça va se poursuivre encore. Il y a eu des sorties, on va en parler, un parcours urbain et artistique autour des fresques de l'Élie Pitre, par exemple, cette visite au prieuré de Pommiers dont on a parlé, cette activité radio. Et puis, il y a eu une activité Fab Lab qui a commencé à être présentée tout à l'heure à la Bulle Saint-Galmier. Et Caroline va nous en dire un peu plus, justement. Oui, exactement. Donc, mardi, on a fait une activité Fab Lab. Donc, c'était de la personnalisation d'objets. Donc, par exemple, on a personnalisé des tasses avec les images que tout le monde souhaitait émettre. On a utilisé, du coup, une presse à chaud pour personnaliser ses tasses. On a aussi utilisé l'imprimante 3D pour imprimer donc des fidgets qui sont des objets pour déstresser et occuper les mains. On a aussi pu utiliser la graveuse laser sur différents objets comme des stylos et donc ses fidgets. Et puis voilà. Et ben c'est déjà pas mal. Merci pour cette expérience Fab Lab. Et on poursuit et termine ce premier, finalement, micro-plateau, si je puis dire, avec Yasmine, qui est avec nous, et qu'on va retrouver d'ailleurs là en transition musicale, notamment. Bonjour Yasmine. Bonjour. Petit mot de présentation, justement. Peut-être, toi, tu es de quelle structure? Val-Benoît, Saint-Galmier? Val-Benoît. Val-Benoît. Depuis longtemps, tu fréquentes l'espace social? Oui, j'adore cuisiner. Ah, toi, t'adores cuisiner aussi, décidément. Ça, c'est vraiment le gros fil rouge. T'as le micro rouge en plus, t'as vu Yasmine? Très bien. Qu'est-ce que tu vas nous présenter, nous dire Yasmine? Bah, lire un texte. Lire un texte, mais on t'écoute. Je suis contente car je suis timide, mais aujourd'hui, j'ai des nouveaux amis espagnols. J'ai même appris de nouveaux mots. Hola, gracias, ¿cómo está? Bien, si. Parce que j'ai appris sur TikTok pour m'aider. Ben, ça aide. Hein. J'ai même chanté devant tout le monde. J'ai pas envie que cela se termine. et j'aimerais bien apprendre des cours de chant sur synthé. Bah super. Bah dis donc, pour une timide, chanter devant tout le monde, c'est pas un exercice des plus évidents. Bravo. Bah au début, j'avais honte de chanter en public parce que j'osais pas, mais après ça allait mieux. Après je ça me allait suis mieux. Lancée. C'était quoi, soirée chanson alors, soirée karaoké? Ah ouais. Ouais, c'était ça, cette semaine? J'adore chanter. Ok. Bah tu sais qu'il y a eu un petit enregistrement fait de oui. ces petites chansons, et justement on va te retrouver, on va écouter ça, et j'aimerais bien que tu annonces ce que tu as présenté justement. Bah j'ai tout aimé. Mais la chanson que tu as proposée, c'est Mentissa. Et c'est qui, c'est quoi? C'est une chanteuse. Ouais, qui vient d'où? Chanteuse de variété française? Bah elle est de Belge. Elle est belge. Belgique, ouais. Ok, eh ben on va écouter et on va t'écouter surtout. Bah okay. Merci pour ce premier plateau. Et de puis rien. On va retrouver le deuxième tout de suite en transition derrière. Allez, attention, on comme t'écoute, Yasmine. Le ventre qui me tend, qui me tord, et Paris qui s'étale. Tout à coup, me voilà. Les gens me fébrilent. Quelle est grande pour moi cette scène imposante où tout devient fragile. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Envoler mon enfance, mais jamais rien n'efface. Les rêves ou la violence, ah oui, ça vous glace. Mais c'est pour ça qu'on chante. Donnez-moi des jouets et que vienne la pluie. On ne montrera jamais que j'ai déjà gagné de nouveaux amis. Et bam, dans la poitrine. Maman, je l'ai fait pour ça. Je veux pas l'Amérique. Je veux ce cœur qui bat, et bam, sur la musique. Maman, je l'ai fait pour toi. Je veux pas l'Amérique. Et plus fort que ma voix. Et bam. Et s'il vous plaît, Yasmine nous l'a refait en direct. C'est cœur qui bat. Mais eh bravo, oui, bravo. Vraiment. Dépassement de soi. Bravo, Yasmine. Et bam. Gracias. Muchas gracias. On poursuit cette émission spéciale. Sport, culture, inclusion, Youth Exchange. On le dit à l'anglaise, pourquoi pas, hein, Audrey, qui nous a rejoint à nouveau. Audrey, puis deuxième groupe, ici au plateau, trois nouvelles personnes nous ont rejoint. On va laisser Yasmine se réinstaller dans l'assistance. Deuxième groupe, bonjour à tout le monde. Bienvenue au micro. Voulez-vous vous présenter? On peut faire un petit tour de table, là on est un peu plus resserré en termes d'effectifs. Bonjour. Bonjour. Hola, me llamo Emily. Buenas tardes. Oui, bah c'est Emily. Voilà. Oui, mais c'est très bien. Emily, bonjour. Hola. Et puis on va continuer le tour de table avant de te retrouver. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Arthur. Arthur. Audrey qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Hola. Comment te llamas? Nerea. Nerea. Nerea, ok. Et puis Diana qui est toujours avec nous, bien sûr. Alors, Émilie avait commencé à se lancer, justement, dans son petit retour, sans doute, d'activité de semaine. On te laisse la parole, Émilie. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el deporte en San Etienne y cómo me he sentido. Voy a hablar sobre el deporte y cómo me he sentido. Vale. Yo creo que todos los deportes que me había gustado mucho es la cebartana y el curling. También voy a hablar sobre la experiencia en San Etienne. La verdad, en San Etienne me parece un sitio muy encantado y alegre y muy bonito. Y me he sentido muy a gusto y cómoda y espero tener más experiencias como con Francia y todos los países del mundo. Y la verdad, la gente de Francia han sido encantadores y muy agradables y con todo el mundo. Y con todo esto os dedico una canción española que la canto yo y se llama Vas a quedarte, de Aitana Ocaña. Es una cantante que me gusta mucho. Merci, Diana, pour la traduction. Émilie, elle nous parle du sport et de son ressenti pendant les activités. Elle explique que ses sports préférés ont été la sarbacane et le curling. Et elle revient aussi sur son expérience à Saint-Étienne, qu'elle décrit comme une ville très charmante, joyeuse et agréable. Elle dit qu'elle s'y est sentie très à l'aise et qu'elle espère vivre encore beaucoup d'expériences en France comme ailleurs dans le monde. Et oui, pardon. Elle souligne également l'accueil des Français, qu'elle a trouvé très gentil et chaleureux avec tout le monde. Et elle nous dédie une chanson espagnole qu'elle interprète elle-même, Vas a quedarte, de Aitana Ocaña, une artiste qu'elle apprécie beaucoup. Et c'est ça. Qu'on va retrouver tout à l'heure, c'est ça ? On va l'écouter, j'imagine. La sarbacane, j'imagine que là, elle ne devait pas du tout... Autant le curling, oui, mais la sarbacane, je pense que c'est un sport qu'elle a complètement découvert à Saint-Étienne. Oui. Parce que c'est unique, et c'est purement stéphanois, dû aussi à son passé minier, que vous avez aussi découvert au travers du musée de la mine. Donc une belle surprise aussi pour ce sport-là. Merci Émilie. Merci. On poursuit avec le camarade juste à gauche. Alors bonjour, moi c'est Arthur. Du coup, j'ai pu participer à ce projet grâce à Caroline et Charline. Qui, après avoir fait un échange en Grèce, m'en ont beaucoup parlé. Du coup, j'aurais aimé y participer, mais j'ai pas pu. Donc j'ai participé cette année et j'ai bien aimé cette semaine, mais j'ai surtout aimé la personnalisation de tasses. De quoi s'agit-il ? L'activité qu'on a fait à la bulle au Fab Lab. Ok, d'accord. C'est pour ton, voilà, c'était ton petit retour de cette semaine, Arthur. Oui. Ok, pour une semaine qui n'est pas terminée d'ailleurs. Non. Hein. On poursuit encore ce petit tour de table et petite rétrospective de la semaine aussi, j'imagine, avec Nerea du coup. Nerea, à qui je laisse le micro. Os voy a hablar un poco del deporte, esta experiencia y un poco de la ciudad de San Etienne. El deporte me ha gustado mucho, pero especialmente la cerbatana, el curling y el bocia. Esta experiencia me ha gustado mucho porque así conocemos más ciudades y es la única oportunidad que conocemos a más personas y visitamos cosas que no he visitado nunca. Y me llama la atención las cosas tan bonitas que hay en San Etienne. San Etienne es una ciudad increíble y me ha gustado mucho porque hay mucha naturaleza y muy bien cuidado. Y hay sitios que han merecido la pena verlos porque ha sido increíble. Quiero que todos vosotros vayáis a Palencia porque sois gente maravillosa y así aprovechamos y pasamos un rato juntos y agradables. J'adore. Il y avait les petites consignes de début d'émission à dire attention, vous articulez bien, que ce soit dynamique, tonique. L'espagnol, mais c'est ça va tellement de soi. C'est chantant, c'est percutant, c'est juste parfait. Juste par contre, pour l'essentiel du propos, Diana, on te laisse la traduction, bien sûr. Et Nerea, elle nous explique que le sport lui a beaucoup plu, en particulier la sarbacane et le curling, et elle souligne que cette expérience lui a énormément apporté, car elle lui a permis de découvrir de nouvelles villes, de rencontrer des personnes différentes et de visiter des lieux qu'elle ne connaissait pas. Et elle évoque aussi Saint-Étienne, qui l'a particulièrement marqué. Elle décrit la ville comme incroyable, très belle et avec beaucoup de nature et des espaces très bien entretenus. Et certains endroits l'ont vraiment impressionnée dès les premiers regards. Et pour terminer, elle lance une invitation à tout le monde pour venir à Valencia. Mais elle explique que ce sera l'occasion de partager un bon moment ensemble dans une ambiance chaleureuse. Je crois que tous les Baldomerio, comment on dit, les habitants de Saint-Galmier. Comment on dit les habitants? Les Baldomériens. Les Baldomériens et Baldomériennes, ici présentes, sont d'accord, ainsi que les Stéphanois et Stéphanoises, je crois, entièrement d'accord. Juste en quelques mots, merci Dania, juste en quelques mots, Émilie et Nerea, est-ce que vous pourriez nous décrire, vu que vous avez apprécié la ville de Saint-Étienne, nous décrire un peu Palencia, justement? C'est une ville moyenne, un peu comme Saint-Étienne. Comment vous pourriez la présenter en quelques mots, vous qui l'habitez et la pratiquez? Comment podríais décrire la ciudad de Valencia? Es parecida a Saint-Étienne? Más grande, más pequeña? Non, je veux dire, c'est pas Madrid, quoi. C'est pas une grande ville. C'est une petite ville de province. Enfin, je sais pas, beaucoup d'habitants. Hay muchos habitantes. Es una ciudad pequeña de pueblo. Yo creo que hay bastante habitantes. O sea, no tan grande como Madrid, porque en Madrid hay más gente. Pero en Palencia también hay bastante gente. O sea, no sé cómo explicarlo, pero sí. Palencia, sí, es una ciudad grande, pero me ha llamado la atención San Etienne porque pensaba que era un pueblo. Pero me ha parecido increíble ver a San Etienne. Es para volver a repetir. Él pensaba que San Etienne era más pequeño que Palencia y eso le impresionó. Palencia, c'est pas comme Madrid, mais c'est une grande ville. Ah oui. Oui. Ça reste une grande ville. Donc milieu urbain plutôt, voilà, justement. D'accord, je voulais juste revenir, parce que c'est surtout le curling et la sarbacane qui sont revenus là, mais oui. Je voulais revenir sur les pratiques de sport adaptées, peut-être que vous avez pu expérimenter cette semaine. Qu'est-ce qui a pu être fait d'autre? Ça, c'était un peu votre vos sports et activités là préférées de la semaine, hein, finalement. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire d'autre aussi cette semaine? Bah Audrey, oui, tu peux présenter pour la structure, sans souci. Ok, très bien. Du coup, la semaine a commencé dès le lundi avec évidemment des jeux d'interconnaissance pour que le groupe puisse se connaître et commencer à forger une unité de groupe, pour qu'on n'ait pas que trois, mais plus qu'un seul. Et l'après-midi, on a fait une intervention qu'on pensait urbaine au début, mais vu la météo, on a dû l'adapter. Et on a fait un atelier sur Ella et Pitre, de figures de Saint-Étienne. Et grâce à leurs œuvres, on a pu aborder différentes émotions et comment parler des émotions à travers le corps et pas qu'avec des mots. Avec des sons, à travers des mouvements, etc. Et ça... Les sens, quoi, finalement. Effectivement, et ça a pu se faire grâce à une intervenante qui était avec nous lundi après-midi. Le mardi matin, comme vous l'ont déjà expliqué, les filles, on était donc à Saint-Galmier, on a pu faire du Fab Lab. Et l'après-midi, on a fait du coup ce tournoi de sport adapté. Il n'y avait pas que la sarbacane et le curling, mais effectivement, ça a marqué les esprits parce que c'est peut-être des sports qui sont un peu plus différents que les autres. Il y avait aussi de la boccia et du sessifoot. Oui. La boccia, c'est une sorte de pétanque. Oui, voilà. Pour personne. C'est pour personne en fauteuil. Initialement, c'est le seul sport paralympique qui n'est que paralympique. Je me retourne, me glisse dans l'oreillette que c'est ça. Je l'ai découvert au dernier jeu paralympique d'été 2024, d'ailleurs, me semble-t-il. Pour le curling, vous avez fait comment? C'était la patinoire de. Non, c'est un curling qui est adapté. En fait, il y a des petites roulettes qui sont sous le palais, on va dire. Quoi. Oui, d'accord. Et on peut le jeter avec des espèces de balais. D'accord. Qui sont adaptés. Voilà pour ces pratiques donc, d'activité adaptée, on va dire ainsi. Et comme le sport, ça donne soif, c'est quelque chose dont vous n'avez pas parlé encore. Vous avez fait une autre visite. Si, m'a gustado mucho. Me ha gustado mucho la fuente. No me lo esperaba, la verdad. Me ha parecido muy. Il y a du souffle, parce que ça fait du vent dans la plaine. Ha sido muy fuerte también, o sea, una pasada. Y me ha gustado mucho. Ahora mismo estábamos caminando y me ha gustado esto, la naturaleza. Es diferente el paisaje a Palencia. ¿Quién se exprime ici? Es diferente a Palencia. No sé, es ça como ciudad, nom, ciudad, pero micro, también hay. Ay, así. O sea, como de pueblo. Alors, claro, c'est un petit extrait. Claro, c'était une visite qui portait sur. ¿Sabes? à Saint-Galmier. Émilie, c'était quoi? La source Badois. Donc l'eau pétillante de Saint-Galmier, la source. Attention, ils sont fiers derrière. Alors, petit mot de présentation sur qu'est-ce qui d'abord vient d'être dit. L'eau est bonne alors ou pas, Saint-Galmier? Oui, elle a vraiment adoré la fontaine et elle a passé un excellent moment. Et c'était une expérience vraiment géniale et impressionnante pour elle parce qu'il y avait beaucoup de nature et elle adorait. C'est un avis un peu général. L'eau est bonne à Saint-Galmier? Bon, à part les baldomériens et baldomériennes, parce que là, on sent bien votre fierté, bien sûr, locale. Pour les autres, oui, ça a l'air de confirmer, de valider. Voilà pour la BADOIT, bien sûr, parce qu'on ne fait pas de pub sur le 895 de Dio, ou presque. Merci beaucoup pour ce groupe numéro 2. Merci. Merci. Bonne fin de séjour à vous. Et on va terminer en musique. Alors, justement, je vais me retrouver dans mon petit conducteur qu'on a quand même tenté de mettre en place. Donc cette chanson, avant de l'écouter, quelques petits mots de présentation, s'il vous plaît. De quoi et de qui s'agit-il? Y bueno, para animar un poco, pongo la canción de las Babies de Aitana también. Que somos muy españoles y muy fiesteros y viva España. Elle veut mettre la chanson de las Babies de Aitana. Et dire que les Espagnols aiment bien la fête et vive España. Ah oui, la fiesta. Eh oui. Donc, on écoute. Dirá la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise olvidar, no olvidar tu boca, y ahora mi boca dirá que si tú regresas, vas a quererte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte, y esta historia le hace falta una segunda parte. Yo que no digas que eso nunca sale bien, vas a quedarte, de todo por volver a enamorarte, y tengo miedo porque nunca pude reemplazarte, y si lo intentas te prometo que esta vez vas a quedarte. Sé que no te acostumbras a estar arrepentida. Sigo esperando a que llegue el día, mi corazón suele una vez. Porque nunca me quiero estar enamorada. Siempre lo supe y no dije nada. Quise gritarlo y no dije nada. Diga a la gente que yo estoy loca. Si estoy loca es porque andas de mi cabeza. Quise olvidar, no olvidar tu boca, y ahora mi boca dirá que si tú regresas, vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte. En esa historia le hace falta una segunda parte. Que no digan que eso nunca sale bien. Vas a quedarte, quiero todo por volver a enamorarte. Y tengo miedo porque nunca pude reemplazarte. Y si lo intentas te prometo que esta vez vas a quedarte. Porque aunque siempre perdí, yo voy a buscarte. Yo sé que podré poder dormir hasta el encontrarte. Sur Saint-Étienne et ses environs, Radio Dio vous tend le micro. Et oui, vous êtes toujours sur Duo et on tend le micro en effet aux jeunes venus de Palencia en Espagne, aux jeunes venus de Valbenoît, aux jeunes venus de Saint-Galmier et dans le cadre de ce projet spécial échange culturel Erasmus+. Finalement, et on retrouve le troisième groupe après Émilie et sa chanson à nouveau interprétée en quasi direct, on est dans du karaoké plus. Finalement. Et on retrouve le troisième et dernier plateau avec de nouvelles personnes qui nous ont rejoint autour de la table. Bonjour, bonjour. On peut faire un petit tour de table si vous le souhaitez, de présentation rapide pour cette dernière ligne droite. Bonjour, est-ce que c'est possible de vous présenter ? Juste, bonjour. Timothée. Timothée, salut. Tu es issu de quelle structure, toi ? Valbenoît. Valbenoît. Merci. On va te retrouver tout à l'heure, juste à tes côtés. Bonjour, Astrée, de l'UFCV. De l'UFCV. Hola. Bonjour, hola, buenas tardes. Oui. Yo soy Laetitia. C'est Laetitia qu'on retrouve à tes côtés. Bonjour, bonjour. Moi je m'appelle Mafalda et je viens de la bulle de Saint-Galmier. Ok. Hola, et yo soy Alejandro. Alejandro. Et Diana, toujours. Et oui. Bienvenue sur le plateau de Duo. Alors, une dernière ligne droite, je le disais, pour rendre compte un petit peu de cette semaine spéciale que vous avez vécue. Alors, qui est-ce qui va commencer à ouvrir un petit peu là, les festivités ? C'est Laetitia, je crois, qui va nous parler de... De la raclette d'hier soir. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Pues nada, me ha parecido una comida muy buena. La raclette es una comida en comunidad en la que hay todo tipo de comida. Lo que me ha sorprendido y gustado son las poulon, y que son unos platitos pequeños donde se pone la comida y se meten en una estructura caliente para que se cocine. La comida que se asa son las cebollas, pimientos, champiñones, quesos, etc. Es una comida donde no solo se disfruta de la comida, sino el buen rollo y compañía. Ah, on sent qu'il y avait eu de la régalade là aussi encore, à nouveau. Diana, oui. La Elle recette. Elle nous parle de la raclette, qui est un repas convivial où l'on trouve toutes sortes d'aliments. Et ce qui l'a surpris est beaucoup plus, et c'est les poulons. Qui sont des petits récipients dans lesquels on met les aliments et qu'on place dans une structure chaude pour les faire cuire. Et les aliments qui sont grillés sont l'oignon, les poivrons, les champignons avec du fromage. Et c'est un repas où l'on ne profite pas seulement de la nourriture, mais aussi de la bonne ambiance et de la compagnie. Et oui, moment convivial, bien sûr, autour du repas, partagé, oui. Bien entendu. Alors, très bon la raclette ? Très bon. Ouais, très bon. Le fromage. Et la charcuterie, parce que c'est quand même aussi la spécialité espagnole, la charcuterie. Oui. Ça n'a pas été évoqué dans la recette. Il y avait aussi la charcuterie. Oui. Ok. C'est un plat d'hiver, hein, surtout. Il faisait assez météo hivernale ces derniers jours, mais vous avez quand même partagé ce repas chaud, quoi. Du coup, chaleureux en tout cas. Ouais. Et où se sont passés ces repas collectifs, d'ailleurs ? Où est-ce que vous avez dans la maison de l'Europe, à Vosges. À Vosges, dans la plaine du Forêt, toujours. D'accord. Merci. Pour ce petit point gastronomie. De rien. Et alors, juste parce qu'on parle beaucoup de raclette, mais les plats espagnols, c'est quand qu'ils vont être proposés ? Les spécialités espagnoles ? Ce soir ? Oui, c'est ce soir. Et c'est quoi au menu ? Alors, du coup, au menu, ce sera des tapas. Tapas. Qui seront proposés. Voilà. Quels sont, Alejandro et Laetitia, vos plats espagnols, vous, préférés ? ¿Cuál es vuestro plato preferido de España? Para mí, los espaguetis y la tortilla de patatas. Es que eso, de verdad, para mí no se cambia. Ouais, la tortilla. La tortilla, de patates, avec et les œufs. Espaguetis, oui. Ouais. Mais c'est pas espagnol. Et Alejandro ? Para mí, el jamón y la comida de la abuela. Oui, les jambons et la nourriture de sa grand-mère. Ok, ah oui, très bien. Et alors, après le plat, comment on dit, le plat principal, le dessert. ¿Me puedes contar qué te han parecido los platos franceses que hemos probado esta noche, como los crepes, el queso, todo eso? Pues qué casualidad que me hayas mencionado primero los crepes, porque a mí personalmente son los que más me han gustado, han estado increíbles, o sea, a los cocineros lo que los han hecho genial. Y eso sí, a los que ya han preparado también las cosas, o sea, que también muchas gracias por todo este, por toda esta, ¿cómo se dice?, internacional francesa. ¿Intercambio? Sí, no, como la noche intercultural francesa. Okay. Pues me lo he pasado súper bien. Alors, voilà, il y a eu d'autres dégustations. Oui. Comme les crêpes. On a goûté les crêpes. Et Laetitia nous dit qu'elle a bien aimé et elle a adoré la soirée franco-culturelle. Elle a passé un excellent moment et elle a aimé faire des nouvelles rencontres françaises. Les crêpes, et oui, autre spécialité française. Crêpes salées ou sucrées ? Les deux. Les deux en plus. Oui. Parfait. Merci beaucoup Laetitia. On poursuit avec Alejandro ? Oui. Ouais. Mais il va parler aussi de l'eau de Badoite. Ah, très bien. Pues el martes hemos visitado San Galmier y concretamente la fuente natural de agua con gas de Badoite. Me ha parecido un sitio muy bonito y me he sacado una foto para que mi familia lo viera. Hemos probado tanto el agua embotellada como la de la fuente y me ha gustado más la de la fuente. Diana, pour la traduction. Mardi, nous avons visité Saint-Galmier et plus précisément la source naturelle de l'eau gazeuse de Badoite. Il pense que c'est un endroit très beau et il a pris une photo pour que sa famille puisse la voir. Et nous avons goûté aussi bien l'eau en bouteille et c'est la de la source. Et il a préféré la de la source. Préféré l'eau de la source. Oui. Très bien. Merci Alejandro. Gracias. Et puis on continue et on termine avec une autre de ces visites qui a eu lieu cette semaine avec un des musées stéphanois. Le musée de la mine. Le musée de la mine. Il nous parlait de l'ascenseur du musée de la mine, parlant du vestiaire et des lampes électriques. Et aussi, on est monté dans un wagon, un train qui roule au gaz. Le train roule au gaz. Et après, on est parti dans la mine pour regarder les mineurs qui cassaient le charbon pour faire les murs du musée pour casser le charbon et l'extraire. Oui. C'est les wagons qui vous emmenaient dans la galerie, c'est oui. Ça en fait. Oui. Hein. Avant, on est descendu avec un ascenseur avec un truc chauffant. À combien de mètres de profondeur vous êtes descendu ? Je sais pas. Au moins 400 mètres. Environ entre 2 à 300 mètres. Environ. Et après, on a pris le train. Et après, on a passé le vestiaire, là, tous les habits des mines. La salle des pendus. La salle des pour pendus. Pour faire sécher les vêtements, se changer. Le geek qui nous a montré un panier. Oui. Avec leurs chaussures, leurs vêtements. Tout l'équipement du mineur. Avec l'équipement. Et aussi, on est passé dans les douches. Oui. Les vieilles douches des mineurs. Et après on est parti sous terre pour aller voir la mine, voir la galerie et puis toutes les différentes époques finalement aussi et périodes aussi de l'extraction de la mine. C'était la première fois que tu visitais ce musée? Non, ça fait depuis 4 quatre fois que tu la visites. C'est la cinquième, cette. Cinquième fois. Un musée qui a été d'ailleurs en travaux, qui a changé, qui ils se renouvelle, changé, de nouvelles expositions. Ils ont, aujourd'hui, plein quand de belles on est allé, ouais. C'est en travaux de la galerie. Voilà, ils sont en train bas, de la refaire. Ils étaient en train de tout nettoyer, les galeries. C'est ça, ils la refont galerie. Tout. Merci pour cette visite. Moi, j'aimerais surtout avoir l'avis aussi des Espagnols qui, en non locaux, finalement, aussi ont visité ce lieu qui est quand même enfin, impressionnant. Mais je ne sais pas quels ont été leur avis à Laetitia et à Alejandro. Vale, pues ha sido una experiencia interesante porque era mi primera mina. Además, nos hemos podido montar en algunas vagonetas donde se transportaban los materiales y los mineros de la época. Me ha parecido muy divertido el momento de ir en ascensor porque íbamos muy apretados. Hemos tenido la oportunidad de meternos en la piel de los mineros porque hemos podido bajar a la galería, ponernos los cascos, ver las linternas y las baterías que creo que pesaban mucho. Elle nous dit que c'était une expérience intéressante car c'était la première fois qu'elle a visité une mine. Et de plus, nous avons pu monter dans les wagonnettes dans lesquelles les mineurs transportaient les matériaux à l'époque. Elle a trouvé très amusant les moments où nous sommes montés dans l'ascenseur, car nous étions très serrés et nous avons eu l'occasion de nous mettre dans la peau des mineurs, car nous avons pu descendre dans la galerie, mettre des casques et les lampes frontales et les batteries qui, elle pense, qui étaient assez lourdes. Oui, lourd, et puis il faisait chaud, enfin, rien d'agréable hein, sous, la sous la terre. Pas de coup de grisou en tout cas, quand même ce matin. Rien, pas de danger, tout était... Alejandro, tu as aussi apprécié cette visite du musée de la mine? Pues la guía que nos dio las explicaciones lo hizo muy bien, aunque no hablaremos el mismo idioma, nos explicó todo lo que pasaba en las minas y las herramientas que usaban. Eso fue muy interesante. La chica contestó a todas las preguntas. Nos llevó a una galería de la mina donde habían unos agujeros en la pared. Nos explicó que ahí se metían explosivos para llegar al carbón. Diana, pour la traduction, toujours. Oui, et la guide qui nous a donné les explications, il croit qu'elle a fait très bien, même si nous ne parlions pas la même langue. Et elle nous a expliqué tout ce qui s'est passé dans les mines et les outils qu'ils utilisaient, ce qui était très intéressant pour lui. Et la guide a répondu à toutes les questions et nous a mené dans une galerie de la mine où il y avait des trous dans les murs. Elle nous a expliqué que c'est là qu'il est plaçant les explosifs pour atteindre les charbons. Ben merci pour ce retour de visite. Et grand merci, l'heure a tourné très très vite. Je vous l'avais dit hein, que ça allait passer très vite aussi, que cette émission de radio. Grand merci à nouveau, gracias, muchas gracias. Gracias. Et puis surtout, bravo à tout le monde. Je voudrais remercier Audrey, l'UFCV, remercier les structures pour ce projet. Et puis surtout vous, l'ensemble des jeunes qui avaient participé à ce plateau radio. Merci Diana pour la traduction. Merci à vous. Et bravo pour cet échange et ce projet culturel que vous menez, que vous portez. Et puis déjà terminé bien surtout cette aventure et cette semaine. Et puis bien au plaisir de se revoir. Grand merci à tout le monde. On va terminer avec une dernière proposition musicale en guise de générique de fin. Qui est-ce qui a chanté cette chanson? C'est Laetitia. Sí, ahora les voy a cantar la canción de Mon Amour de Slimane. Esto es un regalo también porque la gente ha sido súper buena con nosotros, súper humilde y nos ha tratado genial, han sido maravillosos. Así que eso, les quería hacer un regalo. Gracias. Él va a nos hacer un cadeau porque vous étiez très gentil avec nous. Et c'est cette chanson. Et alors c'est une chanson d'amour. Oui. C'est ce que j'ai compris. Très bien, merci, bravo à tout le monde. Terminez bien. On termine avec Laetitia, salut à tous et toutes. Nos premiers rendez-vous. C'était beau, c'était fou. C'était, je sais pas pourquoi. toujours lassée. Mais c'est toujours les mêmes fois qui recommencent, tu n'entends pas ma paix. On en fait quoi de ce que tu mets ou pas, mon amour. Je ferai tout ce que je peux, annoncer un d'aller faire, impossible si tout lever. Oh mon amour, allez reviens à Paris, fais les pendant tes supplies, je les promets, t'es compris. Je t'aime, dis pas pourquoi. Toujours la scène, mais c'est toujours les mêmes fois qui recommencent. Tu n'entends pas ma peine. Où l'on fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Dis-moi les trois, je t'entendrai. Si tu reviens pas, je t'entendrai. C'est fait, je sais, je le ferai. Rempli d'espoir, je t'entendrai. Je t'aime, sais pas pourquoi. Toujours la scène. Mais c'est toujours les mêmes fois qui recommencent. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ou pas?